je me retrouve avec mes 40 francs par mois, la même somme que lorsque j'arrivais, rejoindre ma Toussaint, en pleine République et en pleine Bohème. Mais on ne vit plus maintenant, avec 40 francs, comme on vivait avant décembre. Allons, Vintra, en route pour la vie de pauvreté et de travail. Tu ne peux charger ton fusil. Prépare un beau livre. Jacques trouve finalement pour se loger un minuscule garni. Pourvu qu'il n'y ait pas de punaise. Ce n'est pas probable. S'il y en a, c'est deux ou trois tout au plus. Les autres ne pourraient pas tenir. Je suis forcé de recroqueviller mes doigts quand je vais être de tout mon long. Mais je puis rentrer à l'heure que je veux. J'ai ma clé. Je pourrais amener, oh amour, se promener. Et après, Jacques se nourrit alors de restes de poisson que vend au rez-de-chaussée le propriétaire de son garni. Il me donne des têtes, beaucoup de têtes. J'ai même eu bien peur l'autre jour. Il y avait un homme à face de mouchoir dans la boutique. On m'appelait devant lui. L'homme qui demande des têtes. C'était assez pour me faire arrêter. Je n'ai toujours comme ressource habituelle que le poisson en bas. J'ai eu l'énergie d'en demander des queues, pas toujours des têtes. On m'a donné des queues, mais c'est la même pâte au beignet. Je suis sûr qu'avec une mèche, un merlan m'éclairerait toute la nuit.